XX, Tentation, RIP, X, RIP, X, ou Da, Lim. Yeah. A, C, H. Air, AC, H. Billy, Eilish, Shaky, Shaky, X, X, Tentation, yeah. RIP, X, RIP, X, ou Hey, Air, Ooh, Shaky, Shaky, oh, yeah, that it, yeah, hey, Shaky, Shaky, ouh, hey. Tu regardes les étoiles, je dors pas la nuit. Bébé d'amour, je pense à toi. Cherche mon chemin toute la nuit. Je fais des tours comme le roi. Deep Street, Dark Knight, Savini, hors la loi. Extentation, Billy Eilish, une histoire d'amour avant la mort. Tu regardes les étoiles, je dors pas la nuit. Bébé d'amour, je pense à toi. Cherche mon chemin toute la nuit. Je fais des tours comme le roi. Deep Street, Dark Knight, ça finit hors la loi. Extentation, Billy Eilish, une histoire d'amour avant la mort. Extentation, RIP, X, RIP, X. Ouh, Ouh, Billy Eilish. Shaky, Shaky, X, oh. X, Tentation, yeah. RIP, X. Elite, RIP. X. Yeah. Ooh. Shaky, Shaky, oh, yeah. That it, yeah. Shaky, Shaky, Regarde les étoiles, je dors pas la nuit. Bébé d'amour, je pense à toi. Cherche mon chemin toute la nuit. Je fais des tours comme le roi. Deep Street, Dark Knight, Savini, hors la loi. Extentation, Billy Eilish, une histoire d'amour avant la mort. Regarde les étoiles, je dors pas la nuit. Bébé d'amour, je pense à toi. Cherche mon chemin toute la nuit. Je fais des tours comme le roi. Deep Street, Dark Knight, Savini, hors la loi. Extentation, Billy Eilish, une histoire d'amour avant la mort. X, X, Tentation, RIP, X, RIP, X. Shaky, Shaky, oh, Billy Eilish, Dalit, X, Dalit, yeah, RIP, X, RIP, X. Shaky, Shaky, oh, yeah, that it, yeah, hey, Shaky, Shaky, Shaky, Shaky, oh, yeah, that it, yeah, hey, Shaky, Shaky.